Message de vie, une émission produite par Richard Federman. Message de vie. Donner à comprendre. Donner à comprendre. Il y a plus de 20 ans, commençait sur les collines du Rwanda l'une des plus grandes tueries du XXe siècle. Jean-Paul Samputu est chanteur, musicien et humaniste. C'est l'un des artistes africains les plus en vue sur la scène mondiale. Il a dû quitter son pays en 1994 pour ne pas être la cible des génocidaires. Son ami et voisin, Vincent, sera l'assassin de son père. Il a compris qu'en pardonnant à son ancien camarade d'école, il se libérerait de ses chaînes. On peut dire que chacun d'entre nous a déjà dû ressentir au fond de lui cette émotion sous une forme ou sous une autre. La pulsion de vengeance envers une personne qui nous habite et nous emprisonne. Jean-Paul Samputu nous invite à découvrir dans Message de vie son acte de résilience envers sa pulsion de vengeance car, comme il le dit, elle n'est rien d'autre qu'un manque profond d'amour pour la vie. Message de vie, entendre un monde qui nous entoure. Donc on est à Besançon et tu es en transit entre Brighton, près de Londres, Genève, et ton point de départ c'est le Rwanda. Le Rwanda, tu m'as dit que tu parlais six langues ethniques, six langues qui sont... Le Kinyarwanda, ma langue, le français, ma deuxième langue, le Swahili, donc l'Afrique de l'Est, le Lingala du Congo, parce que j'étais, le Congo c'est notre voisin, et puis l'Ouganda, parce que j'étais en Ouganda, et puis c'est un pays voisin du Rwanda, et puis c'est l'anglais, donc c'est la sixième langue. Qui est aujourd'hui la langue nationale au Rwanda, entre parenthèses, non, je crois. Non, la langue nationale c'est le Kinyarwanda, mais c'était le français, j'ai grandi en parlant français, d'ailleurs quand je parle, je réfléchis en français, et puis la l'anglais est venu enrichir notre langue, c'est bien, c'est pas mauvais, donc même s'il vient une autre langue, l'Allemagne, on dira oui c'est bien, ça enrichit, c'est la richesse. On ne pense pas justement différemment dans la façon de parler des langues ethniques, je suppose, comme on peut aussi penser différemment quand on parle l'anglais, on parle le français ou on parle l'allemand, on ne pense pas pareil, on ne raisonne pas de la même manière, puisque les langues ne sont pas pareilles. Est-ce que dans les langues ethniques aussi, il y a une façon de raisonner dans les langues? Est-ce qu'on pense différemment? Je ne dirais pas une façon de penser, c'est une façon de s'exprimer. Tu sais, tu t'exprimes dans une langue et puis ça, il y a des choses qui changent. Quand je parle le français, je sens que je dois alors changer suivant la culture française ou cette langue. Mais il y a des quand même, si tu es rwandais, tu es toujours rwandais. Même quand tu parles, des fois tu parles une langue, mais c'est une langue, c'est le français. Mais tu sens que tu réfléchis en Kinyarwanda parce que tu es rwandais. Au fait, au départ, ça dépend de langue. Là, le français, c'est parce que, quand je dis que je réfléchis en français, c'est parce que j'ai grandi en parlant français. Mon père parlait français à la maison, parce qu'il voulait qu'on apprenne cette langue, parce qu'il savait que le Kinyarwanda, quand les enfants sont dehors, je parle Kinyarwanda. Mais quand même, moi, j'appelle la richesse. Quand il y a une langue qui vient, c'est une richesse. Moi, je sais qu'il y a des gens, des Rwandais qui ont dit « Oh, tu vois, le IFP, quand il est venu, c'est l'anglais. L'anglais est venu. Maintenant, on était en français, voire l'anglais. » Mais ce n'est pas mauvais. Moi, j'aime quand mes enfants parlent beaucoup de langues. Tu vois, regarde, je chante dans 6 langues. C'est bien, c'est une richesse. Moi, ce n'est pas un problème si une langue vient après une autre, même si ça change de culture, mais c'est une richesse. Mais pourquoi les gens n'en voient pas? Quand les gens parlent de la politique, alors ça change. Moi, je vois comme c'est une richesse. Tu es le représentant du Rwanda. Tu t'es un petit peu exilé du Rwanda pour être l'ambassadeur d'une musique ou d'une histoire. Écoute, je ne veux pas que tu dises exilé. Moi, le monde est à moi. Moi, c'est comme ça que moi je dis. L'endroit là où je vais, c'est moi, c'est chez moi. Bon, là, moi, c'est moi. C'est moi. Je veux qu'on ait une conversation. Mais ce que je veux dire, c'est que si je suis ici, c'est que le Rwanda est ici. Regarde, tu es en train de parler avec un Rwandais. Alors, je suis un ambassadeur. Parce que si je n'étais pas ici, le Rwanda, on allait parler peut-être d'autres. Mais maintenant, on parle du Rwanda parce que je suis. Il y a un Rwandais qui est ici, qui est en train de parler avec Richard. C'est la raison pour laquelle je me dis que je suis l'ambassadeur de mon pays. Alors, je suis Rwandais et je suis ici. Le Rwanda a beaucoup d'avantages si je suis ici ou ailleurs. Le Rwanda n'a pas d'avantages si je suis au Rwanda. Alors, pour le Rwanda, c'est bien dire que Jean-Paul soit ici. On arrive plus facilement à voir son pays ou sa culture ou même sa vie quand on est loin, quand on a pris du recul. Quand on est trop proche, on n'arrive pas à penser correctement puisqu'on est vraiment près de tous les événements. On n'arrive pas à avoir assez de recul. Le fait que tu sois le voyageur loin, tu arrives mieux à exprimer les idées de ton pays ou de ton histoire. Ouais, écoute, j'ai grandi le Rwanda. Quand je suis ici, le Rwanda devient grand. D'ailleurs, c'est un petit pays, avec seulement une seule langue, 3 ethnies, contrairement à d'autres pays d'Afrique. Alors, le Rwanda a besoin de beaucoup de bras, il a besoin de s'élargir. C'est bien pour le Rwanda si beaucoup de Rwandais pourraient quand même s'éparpiller dans le monde, parce que on fait le monde... Et je crois que, moi je le dis souvent, le monde devient Rwanda chaque fois que je vais quelque part. Donc le Rwanda a grandi, et c'est bien. Tu dis qu'au Rwanda, il y a 3 ethnies. Dans certains pays africains, il y en a plus de 50. Qu'est-ce qui s'est passé il y a moins de 30 ans au Rwanda pour que 3 ethnies se confrontent? Il y a eu ce grand génocide du Rwanda, mm-hmm. dont tu as été le grand témoin. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que seulement 3 ethnies se déchirent entre elles? Il y a eu le génocide, pourquoi? C'est venu, pourquoi 3 ethnies, pourquoi? Alors, la Belgique, quand elle est venue au Rwanda, c'était difficile de nous coloniser. C'était difficile de coloniser un pays qui a seulement une langue et 3 ethnies. Une langue, c'est le seul d'ailleurs, c'est le Rwanda et le Burundi, c'est le seul pays en Afrique où tu trouve qu'une seule langue. Parce que beaucoup de pays, nos voisins ont plus de 80 langues. L'Ouganda, plus de 60. Congo a plus de 80. Tanzanie, plus de 60. Donc, le Rwanda, pourquoi? C'était difficile de gouverner le Rwanda. Alors, la Belgique a appliqué une politique qui, disons, divise et règne. C'était... Il devait le faire pour. Et c'est là l'origine du génocide. En 1933, ils ont dit au roi, on est en train de faire les cartes d'identité, on va faire Hutu Tutsi Twa. Donc, chacun pourra avoir sa carte d'identité où c'est mentionné son ethnie. Le roi devait dire non. Il n'a pas su ça. Mais par après, C'est la division a commencé là-bas. Et quand le roi, il a dit, en 1958, le roi Rodrigo a dit, non, on ne veut plus ces ethnies-là. Il a remarqué maintenant, quelques années après, voilà, ils nous ont divisés. Parce que c'est là où ça a commencé à fonctionner. Alors, quand il a dit non, j'arrête plus d'ethnie, quand il a voulu changer, les Belges l'ont tué. Ils ont tué le roi Lodahigua. C'est là où, que maintenant, ils ont pris les Hutus, dirigé le pays. Donc, ça a commencé. C'est là où ça a commencé le génocide. D'ailleurs, les premiers Tutsis ont été tués en 1959, ce qu'on appelle la révolution. Et puis après, les Hutus ils étaient au pouvoir. Et puis, ils ont tué les Tutsis en 1962, 63, jusqu'à ce qu'il y ait un génocide en 1994. Donc, le génocide, c'est l'origine du génocide. Et où est ton papa? Où est ta maman? Bon, ça va, la vie. On les a tous tués. Tu as vu ça? Oui, j'ai vu. Tu es tout seul? Je suis seul. T'as pas des frères, des sœurs? Bon, ça va, la vie. On les a tous tués, il ne me reste plus rien. Redis-moi ton nom. Nesidgeman. J'ai 10 ans. On a tué ma femme, on a tué mes deux bébés, on a tué ma vieille, vieille maman, on a tué mes soeurs mariées, les maris, et les neveux, les nièces, etc. Non, bon, c'est beaucoup. Ils ont brûlé notre maison. Mm-hmm. Et puis ils ont pris, mon bon père était vieux, ils l'ont pris, et puis mes deux enfants. Ils ont d'abord coupé la tête ainsi que le sexe du bon père. Et puis ils l'ont mis là-dedans et ils l'ont brûlé le cadavre. Le génocide, c'est un crime qui ne vieillit pas. Mais le génocide, quand on le prend à la racine, il y a forcément une histoire de séparation déjà à la base qui a été imposée par le colonisateur. Le peuple ne comprend pas qu'il a été manipulé. Il n'y a pas cette conscience. Toujours le peuple comprend après. Ça c'est une bonne question. Donc toujours le peuple. Il y a même la majorité l'a pas encore compris jusqu'à maintenant. Il y a encore des divisions Hutu-Tutsi, même si que maintenant c'est bien. Le gouvernement rwandais a essayé toujours de réconcilier la population, mais c'est toujours dans nos têtes. Et moi qui vous dis ici, je peux vous dire, j'enseigne le pardon parce que je sais que le pardon c'est le seul moyen d'arrêter. Les cycles de violence, c'est le seul moyen d'arrêter un futur génocide. J'ai compris. Pourquoi? Parce que, mais après avoir compris, qu'est-ce qui s'est passé pour avoir compris? Parce que j'ai commencé à me tuer moi-même, parce que je ne comprenais pas. Et puis, je n'ai pas appris après. Mais après toutes ces souffrances, après tout ce que... maintenant, j'apprends par mes chansons, j'apprends l'amour, parce que je sais que c'est le seul moyen de lutter contre... Parce que c'est comme une guerre, c'est comme une guerre que je fais encore. C'est parce que je veux pas que les générations futures puissent tromper. Parce qu'il y a eu toujours des générations. C'est pas seulement même avant la colonisation, il y a toujours eu des générations qui ont eu des problèmes. C'est ça, des démons, des ethnies et des dans les populations où on voit que les gens, l'un et l'autre, sont différents. On n'est pas différents. Mais c'est toujours dans les populations, même pas le Rwanda, même ici, les gens se mettent en tête qu'on est différents. Là, les humains, les différences qu'on a, ce n'est pas des différences qui peuvent nous empêcher de nous aimer. L'humanité a toujours ses problèmes. C'est pas seulement le Rwanda, c'est partout. Regarde ce qui se passe ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle mon combat, moi, c'est l'amour. Quotidiennement, il faut qu'on puisse sortir, apprendre, encourager, éduquer aux jeunes, aux idées de paix et de réconciliation, surtout l'amour, l'amour. On pourrait définir l'amour grâce au pardon. Non. Le pardon, c'est seulement ce chemin qui nous mène à l'amour. Le pardon, c'est quoi? En fait, tout le monde a besoin du pardon. Parce qu'on est humain. Chacun pêche, chacun commet des fautes. Chaque personne a besoin du pardon. Le pardon, c'est cet esprit qui nous aide à aimer. On pardonne pourquoi? Pourquoi? Pour pouvoir aimer encore. Et pour pouvoir être aimé. Donc, l'amour, au fait, c'est ça qu'on a besoin. Pourquoi il y a les guerres? Parce qu'il y a un manque d'amour. Mon dernier disque, je l'ai appelé « Seul l'amour ». Seul l'amour changera tout. Seul l'amour arrêtera les guerres. Seul l'amour peut arrêter les cycles de violence qu'on voit dans le monde. Donc, le pardon, comme tu viens de poser cette question, ce n'est qu'un outil qui nous ramène à l'amour. Message de vie. Donné à comprendre. Ubakunda ubasabire imigisha kundana bose only love ah. Wazalendo hakikisha ni kwamba upendo ni kitendo kilicho kando kando. Palipo upendo mwendo wa amani ulazimika, na hasa vita vikipigwa marufuko ya kundana vose and heals the soul. True love has no tears, no fears. It breaks all circles of violence. It only breeds unconditionally, with no barriers until you got no pain. With no fears, it's the only way. Love heals the pain. I know, and you know now. Love heals the pain. We know, and you know it's the only way. Only love can make the way. Say only love, only love, only love. Et là, tu vas nous dire comment tu as pu rencontrer le pardon, si tu veux bien, parce que ton histoire est importante. Tu es parti, je crois, en 1994 en Ouganda pour une tournée, et c'est là que tu as appris qu'il y a eu des massacres dans ton village et ta famille qui a été décimée. Quel est ce chemin que tu as parcouru pour pouvoir continuer à vivre? Parce que c'est ça qui est important, continuer à vivre. Le 22 juillet 1994, chez moi, dans mon village, j'allais voir ce qui s'est passé après le génocide. C'est là où j'ai appris que mon père et ma mère ont été tués par un ami de mon enfance. Et c'est ça qui m'a enragé, tué, détruit. Et ça va prendre 9 ans vivant dans l'amertume, le ressentiment, la haine, et surtout le désir de revanche, parce que je voulais le tuer. Quand j'ai appris que c'est lui qui a tué mon père et ma mère, et puis je le cherchais pour le tuer, et quand je ne le trouvais pas, je me tuais par l'alcool, les drogues, tout ça, ça a continué jusqu'en 2002, où j'attendais seulement que la mort. Parce que c'était ça qui restait, parce que je ne pouvais plus chanter, je ne pouvais plus. J'étais déjà fini, détruit, alcoolique, addict. Alors, des gens priaient pour moi parce que les gens voyaient que Jean-Paul il est mort, il est fini, alors on prie pour lui, comme ça Dieu lui pardonne ses péchés qu'il a fait, et puis comme ça il va, on finit. Quand il priait pour moi, il ne savait pas que moi, en priant pour moi, parce qu'il ne priait pas pour moi, pour qu'un miracle soit. Tu vois les gens là qui sont à l'hôpital, qui entendent la mort, et les gens prient pour, les gens viennent prier. Souvent, on prie quelqu'un qui est à l'hôpital, il dit, on appelle même les amis, tu sais, dans 2 heures, il est mort, mais pouvez-vous quand même venir? On dit au revoir au cadavre, on prie. Alors, quand il priait pour moi, je recevais une voix et il me parlait. Là, c'était comme je mourais. Et cette voix disait, non, tu ne vas pas mourir. Mais, si tu ne fais pas ce que je te dis, tu vas mourir. Donc, tu dois, ton remède, c'est dans le pardon. Tu dois pardonner le type, tu dois pardonner Vincent. Et ça va, tu vas guérir. Mais après, il y a eu, c'est une longue histoire, mais ce qui s'est passé, j'ai voulu aller chercher cette voix qui me disait que le pardon, c'est mon remède. Et puis je disais non à cette voix, je disais toujours non. Alors j'étais quelqu'un qui ne croyait pas, même si bien que j'étais dans mon enfance avec mon père, catholique, j'étais même au petit séminaire avant d'aller dans une école pédagogique. J'étais quelqu'un qui avait appris ça. Je ne croyais pas vraiment. Quand, au fur et à mesure, je grandissais, je disais, je ne peux pas croire à quelque chose que je ne vois pas. Je peux dire que j'étais athée. Après, j'ai dit quand même, quand il priait pour moi, là, j'ai entendu une voix. Là. Alors, à un moment donné, j'ai pris une décision. J'ai cessé de boire, j'ai cessé de prendre des stupéfiants. Je suis allé dans une montagne rencontrer cette voix. J'ai fait une méditation pendant 3 mois et j'entendais toujours cette voix. J'étais devenu chrétien, j'étais même baptisé, j'étais vraiment un enfant de Dieu qui ne boit plus. Mais j'étais encore dans la prison. Prison de haine, prison d'amertume. Pourquoi je ne suis pas encore libre? Il disait, c'est parce que tu es encore dans la prison de Vincent. Tu ne t'es pas encore libéré. C'est la seule chose qui te reste. Fais-le, tu vas voir. Une fois, j'ai dit quand même, j'ai fait tout. Je vais essayer de pouvoir. Je vais essayer de faire son pardon. Je vais essayer. Le moment quand je l'ai fait, j'étais libéré. C'était le départ. Alors j'ai dit, j'avais pas le choix. J'ai dit oui. Je suis allé même au Rwanda. Ça a pris encore 3 ans. Je suis allé au Rwanda en 2007, dans mon village natal, là où j'étais né, là où j'avais connu Vincent, pour aller témoigner de mon pardon. Mon village était là. On a ce qu'on appelle au Rwanda Gachacha, là où les gens se mettent ensemble. Et les populations, le village, tout le village est là pour écouter ce qui s'est passé dans le génocide. C'est un processus de je peux appeler, tribunal traditionnel. C'est quelque chose qui date de même avant le colonialisme, on faisait comme ça le gachacha. Alors là, c'est comme une justice réparatrice, je peux dire. Alors là, dans mon village, peut-être d'ailleurs le Rwanda, c'était la première fois que quelqu'un, sous le vivant de génocide, dans toute l'histoire du Rwanda, après le génocide, quelqu'un vient dans le village, pas pour accuser, dire c'est lui qui a tué mon père, mais c'est, les gens faisaient ça, mais c'était la première fois que quelqu'un demande, parle du pardon. Alors c'était le choc de tous les survivants, des gens, même quelques membres de ma famille, c'était un choc parce que c'était un choc. Mais Vincent était là, on s'est embrassé, on a partagé le premier mille, il m'a parlé de tout, comment il a tué mon père, tout ça, je connais l'histoire. Et il était pardonné, donc j'avais dit à sa femme avant que je voulais même aller en prison, parce qu'il était 11 ans en prison, et je voulais aller lui dire que moi je lui ai pardonné. Et heureusement, il était là dans la gachacha, dans la foule. Il est venu, merci Jean-Paul, on a partagé, les gens étaient là, les journalistes sont venus, on a fait une conférence, les jours après, on a parlé dans la radio, BBC, tout le monde, c'était une histoire dans tout le pays, parce que c'était la première fois de voir un survivant de génocide pardonné, et puis c'était un choc pour les Tutsis, et puis c'était aussi quelque chose pour les Hutus, est-ce que vraiment, même Vincent ne croyait pas, vrai, il avait un problème, parce que sa femme lui avait dit avant, tu dois accepter le pardon de Jean-Paul. On a fait des réunions et ça a aidé aussi le pays parce que les gens qui avaient peur de donner pardon au Rwanda, ça a ouvert les portes. Le message du pardon est venu du Rwanda. Et la réconciliation, ça a aidé. Les gens venaient de l'extérieur du pays pour voir, pour écouter ce message du pardon parce que les gens disaient « Vous n'êtes pas ordinaire, comment vous avez pu le donner ?» Moi, j'ai toujours refusé le crédit d'héroïsme ou de quelqu'un d'anormal. Jusqu'à présent, j'ai toujours refusé. J'ai dit non, parce que je me connais, je sais ce qui s'est passé en moi. Une force m'a dirigé, m'a dit de pardonner. Ce n'était pas à moi. Ne me remercie jamais. Après ça, c'est devenu une mission, c'est devenu un chant, c'est devenu... Babarira, chingoni zamba, ah, tangembabasi, nawimane kubabarire. Le pardon libère toi et les autres. Le pardon, c'est pour toi, ce n'est pas pour l'offense. Celui qui t'a offensé, c'est pas un cadeau que tu lui donnes. Le pardon est pour toi. C'est ça que je chante toujours. Les gens croient, beaucoup de gens croient que quand tu pardonnes, tu donnes un cadeau à quelqu'un qui ne mérite pas. Mais les gens se trompent. Le pardon est pour toi et pour toi. Ça te libère, ça te donne envie d'aimer encore. Le pardon est pour toi, Richard. C'est pour toi. Chemin. Libérateur. Donc, le pardon, c'est pour, d'abord, ça donne avantage à celui qui pratique. C'est un travail de cœur. Souvent, c'est moins avec l'intelligence, non. Le pardon fait appel à des qualités de cœur que d'intelligence. C'est ça qui... que les gens causent des problèmes, des gens qui disent c'est l'intérêt. Non, non, non. Donc, ça m'a donné, ça a changé ma vie. Et puis, le pardon, c'est devenu le message de tous les jours. J'enseigne partout, les radios, les télévisions, l'école. Ma musique a changé. directement, j'ai changé mes sujets de chant. Je chante, regarde le dernier album, ça s'appelle « Seul l'amour ». Amour, amour, amour, amour, amour. Et je ne cesserai de dire ça quand je meurs. Je ne dirai que parce que je sais c'est ce que le monde veut. J'étais en train de parler aujourd'hui avec mon ami Annie. Quand tu parles de l'amour, les gens deviennent nerveux. Les gens ne veulent pas entendre ça. Alors que c'est ce qu'on a besoin. Les politiciens, tu n'entendras jamais un politicien dire « amour ». Il fouille ça. Tu parles d'amour, non. Ils n'aiment pas. Même dans l'église, là où on doit parler de l'amour, c'est peu. On parle seulement des choses bénédictions. Bénédiction, souvent, c'est l'argent. Donnez-moi l'offrande, l'aumône. C'est ça qui est important. L'amour, les gens ne veulent pas parler du pouvoir de l'amour. Alors là, tu m'as fait parler du pardon, mais je te disais tout à l'heure, le pardon, pourquoi le pardon? Pour arriver à aimer encore. Moi, je ne pouvais pas aimer encore. Parce que je ne pouvais même pas donner l'amour à mes enfants, parce que j'étais enragé. Je ne peux pas donner un exemple d'amour à mes enfants, parce que je n'avais pas l'amour. Il a fallu que je fasse quelque chose d'extraordinaire. Quel pardon pour pouvoir aimer encore, pour pouvoir donner. Qu'est-ce que j'allais donner? Je n'avais rien. Mais maintenant, je peux donner au monde. Je peux donner cet amour parce que le pardon m'a donné la force d'aimer encore, d'enseigner l'amour. Je le sens même quand je suis en train de parler. J'ai une force, cette force qui est venue à moi parce que j'ai pardonné. Et Vincent, je le portais partout où j'étais. Quand j'ai pardonné, il n'y avait plus Vincent dans ma tête. Je l'ai soulevé, donc je n'ai plus le fardeau. J'ai cette force qui est l'amour que je partage avec tout le monde. Et merci de me donner cette occasion de partager. Merci de nous avoir transmis ce beau message de vie. L'action que tu portes est singulière et elle est universelle. Elle a une référence qui n'appartient à aucune église et à personne d'ailleurs, puisqu'elle est individuelle. Et elle porte une vérité, et c'est ta vérité et qui te transporte et qui porte un message fort. Et je crois que chaque vérité, chaque personne a sa propre vérité et est portée par une force qui doit accomplir. Et s'il prend conscience, comme tu l'as fait, du rôle que tu as pu avoir, de pardonner et de le partager. C'est de faire grandir les autres aussi. Et chaque petite goutte peut faire un océan. Et je crois que c'est plus l'universalité qui pourra nous faire comprendre que chacun doit faire un propre travail personnel. Et non pas de parler au nom d'un collectif ou d'un groupe ou d'une chapelle, mais de dépasser ça pour arriver à ce que tu as compris, de pardonner et de rentrer en relation avec l'autre. Moi, tu as bien parlé. Tu as bien parlé. Mais pour aller plus loin alors. Allez. Pour aller plus loin. Regarde ce qui se passe maintenant ailleurs dans le monde. Le même cheminement. C'est ce qu'on a besoin pour arrêter ces guerres. C'est ce qu'on a besoin pour éviter un futur génocide. Pour arrêter ces cycles de violence, c'est ça qu'il faut. La revanche, cette culture de revanche, que nos politiciens voient comme une solution. On répète toujours les mêmes histoires. L'histoire ne nous apprend pas. L'histoire ne nous informe. Devait nous informer seulement. Mais l'histoire répète. L'histoire nous contrôle. On refait les mêmes fautes. Pourquoi cette culture de revanche? Nos politiciens ne savent pas ça. Ils savent. Il faudrait qu'ils apprennent ça. C'est la force du pardon. Si on devait conclure, pour conclure, parce que l'émission prend sa fin, le temps passe. Par quoi tu aimerais conclure pour avant de partir? J'aimerais conclure. sans pareil. Yeah. L'alba court sur moi. Ce soir, j'en t'invite dans mon soleil. Yeah, yeah. Pour danser avec moi. Danser, danser, t'as pas besoin d'être habile, girl. Suis la musique, c'est magie. Wow, wow, wow, yeah, yeah, laisse-toi aller. On va s'amuser. Danser, danser, danser. Laisse-toi aller, laisse-toi aller, laisse-toi aller et viens danser. Laisse-toi aller. On va s'amuser. À Besançon, danser, danser, danser, danser avec Richard. Hey! Laisse-toi aller et viens danser, danser, danser. Ouh. Danser, danser, danser. Laisse-toi aller. Yeah, yeah. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller et viens danser. Suis la musique, c'est magique. Yeah, yeah, yeah. Laisse-toi aller. Yeah, laisse-toi aller. On va s'amuser. On va s'amuser. Danser, danser, danser. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Viens danser. Merci Jean-Pierre. C'est bon. Laisse-toi aller, viens danser. Laisse-toi aller, il faut danser, il faut avoir la joie, il faut s'amuser, il faut aimer. Aimer. Jean-Paul Sampoutou continue d'œuvrer dans les universités et les collèges en engageant des discussions et des forums pour comprendre les causes profondes de la folie génocidaire des hommes, qui pour lui sont un des signes d'un manque d'estime et d'amour de soi. Ses vidéos, ses albums, ses tournées sont sur le site de Jean-Paul, sampoutoumusique.com. Et pour notre part, vous connaissez bien sûr la musique. C'est la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao. Message de vie, une émission produite par Richard Federman. ukwiriye ibiruta ibiruta ibyo nibwira mere vugo bwiza Oh.